Bonjour, je voudrais du Stroclémina perastodontalin. Du Stroclémina perastodontalin evatitroglycerumissux ou du bleu ? Bleu ? La santé, c'est compliqué. Découvrez Alan, l'assurance santé 100% digitale qui fait simple et vous rembourse en 72 heures seulement. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique. Diane Arbus, ce sont des formats 6-6 en noir et blanc pour des portraits saisis au flash, frontaux le plus souvent. Des photographies dites de rue, un petit garçon tenant dans la main une grenade, deux petites jumelles en robe noire, une dame dans un bus, le garçon au canotier et son badge bombe Hanoï, des travestis, des tatoués, des nains, des marginaux, des excentriques, de toutes sortes et de tout genre, et aussi des hommes, des femmes, des enfants, extraordinairement ordinaires, tous uniques, tous singuliers, arrachés à la foule de New York. En une quinzaine d'années à peine, en tirant le portrait de l'Amérique des années 60, Diane Arbus aura produit l'une des œuvres photographiques les plus importantes du XXe siècle. « Je crois que j'ai une sorte de don pour percevoir les choses comme elles sont », disait-elle. « C'est assez subtil, et ça m'embarrasse un peu, mais je pense vraiment qu'il y a des choses que personne n'aurait vues si je ne les avais pas photographiées. » Considérant peut-être qu'elle en avait assez vu, Diane Arbus a mis fin à ses jours le 26 juillet 1971. Elle avait 48 ans. En 1986, dans Les Nuits Magnétiques, Olivier Képlin et Anne-Marie Chapoulier proposaient un documentaire autour de l'œuvre de Diane Arbus. Les premiers pas, une beauté à couper le souffle autour des photos de Diane Arbus. Quand vous regardez une photographie, vous ne pouvez jamais ignorer la présence du photographe. Il se passe toujours deux choses. Une impression de familiarité et puis le sentiment que c'est absolument unique. Mais il y a toujours pour moi un point où je m'identifie à eux. Si je me trouve en face de mon sujet, au lieu de l'arranger, je m'arrange moi-même. Nuit magnétique, les premiers pas, une beauté à couper le souffle autour des photos de Diane Arbus par Olivier Képlin et Anne-Marie Chapoulier. Si vous observez la réalité d'assez près, si d'une façon ou d'une autre vous la découvrez vraiment, la réalité devient fantastique. Vous savez, c'est réellement fantastique que nous ressemblions à ce que nous ressemblons. Sans doute, dans cette phrase, y a-t-il pour quiconque s'intéresse à la réalité la question principale, celle à laquelle voulut répondre la photographe new-yorkaise Diane Arbus. Son travail personnel commence dans les années 1955-57 pour s'achever en 1971, date de sa disparition. Pour beaucoup, elle passa à tort pour la photographe de l'horreur, du tragique quotidien. On y vit un catalogue d'êtres déshérités, malades, handicapés, monstres, solitaires. Rien de plus étranger à son projet. Si elle va vers ces êtres singuliers, c'est qu'à travers leurs existences, leurs images, ils posent avec acuité la question de notre présence au monde, celle de toute présence, de toute naissance, de tout corps livré à leurs gestes, leurs histoires. À travers les particularités, les déformations des gens qu'elle rencontre, elle ne cesse d'interroger la création. Pourquoi l'horrible délimitation des corps humains? Pourquoi ce sentiment de participer à une même matière et l'impossibilité de le faire vraiment? Pourquoi ce voile, ce masque sur le réel? N'y a-t-il pas une substance commune au-delà du langage, de la grammaire qui distingue et partage? Que savons-nous de ce que nous appelons une identité et pourquoi cette inadmissible côtoyer tous les jours, cette innocence raturée, troublée, tordue, qui demeure encore sous le déguisement, la grimace? Pour elle, la vie n'est pas écrite, la vie est une énigme. Elle ne cesse de nous dire « qu'entendons-nous ? Que voyons-nous ? Qu'avons-nous vraiment devant les yeux ?» Pour le comprendre, elle s'est jetée dans l'innombrable, les différences, la multiplicité d'un monde qui est encore à révéler. En ce sens, son univers est parcouru de mouvements, d'élan, de postures énergumènes. Il est, au-delà d'une certaine terreur, plein de joie, de peur, de jeu, d'amour, de rire, plein de vie dans tous les sens du terme. Il est, pour toute œuvre ayant comme objet la question des êtres, de l'espèce, du réel, sans doute exemplaire. Patrick Rogiers, journaliste, essayiste. Pendant près de 20 ans, Diane Arbus, avec son mari Alan Arbus, qui lui avait enseigné la photographie et dont elle avait d'abord commencé par être l'assistante, et qu'elle avait rencontré parce qu'Alan Arbus, qui était photographe, était le photographe du magasin de vêtements de son père, magasin de vêtements de luxe situé dans la 5e avenue. Diane Arbus elle-même étant issue d'une riche famille juive new-yorkaise. Toute chose très importante. Donc pendant 20 ans, elle a fait un travail qui, je dirais, sanctifiait un certain regard sur son époque et sur la société à travers l'aisance, la beauté, le luxe, la conformité. Avec des canons esthétiques bien précis. Les gens riches sont beaux, l'argent fait le bonheur, la beauté physique va de pair avec l'apparence. Et un jour, en suivant les cours de Lisette Model, alors que déjà elle avait cessé de faire de la photo de mode et qu'elle avait rompu avec Alan Arbus, et qu'elle avait également rompu déjà aussi avec sa famille, donc en suivant les cours de Lisette Model, Lisette Model partait en week-end avec ses élèves et proposa à chacun de photographier ce qu'il désirait. Et Diane Arbus dit « Je ne sais pas ce que je veux photographier ». Et Lisette Model lui dit « Écoute Diane, rentre chez toi, réfléchis-y, et lorsque tu auras trouvé la solution, nous en parlerons et nous déciderons de ce que tu feras ». Et 8 jours après, Diane Arbus est revenue et elle a dit « Voilà, je sais ce que je veux photographier, je veux photographier ce qu'est le diable ». Et à dater de ce jour, elle a pris exactement le regard inverse de tout ce qu'elle avait fait dans sa vie antérieure, je dirais. Elle n'était encore âgée que 40 ans. Et en 10 années, de manière foudroyante, elle a accompli une œuvre personnelle qui était vraiment la traversée physique, physiologique, mentale, métaphorique, culturelle du miroir. Elle a commencé à prendre exactement tout ce, l'inverse de ce qu'elle avait présenté avant dans son travail de mode, de publicité, de commande, en allant plus chercher que la différence la plus nette dans la société américaine. Tous les êtres victimes du rejet, de l'indifférence, du mépris, n'entrant pas dans l'image stéréotypée ou standard d'une société, et au contraire des individus profondément originaux, singuliers, jusqu'à la déformité physique, D'où d'ailleurs tout un volet de son œuvre qui traite de ce qu'on a appelé les monstres, qui sont d'ailleurs peut-être les premiers personnages qui lui ont produit un choc énorme sur la côte de Coney Island, où le raconte d'ailleurs sa fille Dunarbus, Diane avait emmené ses deux filles voir les monstres de foire. Et c'est à partir de cette sorte d'exhibition de la différence, le monstre venant du mot latin monstrare, qui est peut-être d'ailleurs la seule solution qu'a un monstre pour vivre sa différence, c'est qu'elle soit exhibée justement, Dunarbus a commencé à prendre ça comme la matière propre de son travail. Et c'est donc réellement la beauté à rebours, l'envers de cette beauté stéréotypée, la mise en abîme du stéréotype de la société américaine, qui est, à mon avis, le nerf de la guerre dans le regard qu'elle a porté pendant 10 ans pour faire cette œuvre magistrale. Car il y a 2 choses qui sont importantes en ce qui concerne cette œuvre. D'abord, c'est que c'est une œuvre photographique. Ce n'est pas une addition de prises de vue, de photographies séparées, sans rapport et prises au petit bonheur la chance. Je pense profondément que c'est une œuvre, bien sûr, percutante, mais absolument élaborée, totalement construite, préméditée, réfléchie, avec évidemment un très très grand nombre d'ingrédients qu'elle trouvait sur le tas, au gré des circonstances, des hasards, des renseignements, puisqu'elle photographiait autant les gens chez eux, cela demandait parfois énormément de négociations, puis parfois ça se faisait au hasard de la rue, sur une plage, quelque part en voyage. Mais en même temps, chaque photographie répondait à une image mentale, n'était pas seulement la représentation physique d'un être, était profondément une image mentale d'un particulier, incarné par un individu que Dunarbus cassait dans son cerveau. Donc ça, c'est une chose très très importante. L'intérêt que j'ai trouvé à... Jacques Teboul, écrivain. À la démarche de cette femme, je crois que c'est d'abord son authenticité et sa violence. Son authenticité parce que quand on regarde les photos de Dunarbus, ce qui frappe par rapport à d'autres photographes, bien sûr, ce sont les sujets qu'elle traite, c'est-à-dire toute cette humanité défaite, détruite, marginale. Mais je trouve que c'est son regard, c'est-à-dire c'est la façon dont elle s'approche des gens qui est complètement pathétique. Enfin, un mot qui me vient tout de suite, là, c'est poignant. C'est poignant et c'est aussi d'une violence incroyable. J'ai vraiment le sentiment que c'est quelqu'un qui a voulu sans arrêt se rapprocher d'une certaine forme d'humanité, très très marginale, très déformée, très détruite. Mais en même temps, on a l'impression qu'elle en est toujours très loin. Et on a l'impression que l'appareil de photographie, d'ailleurs elle en parle de ce rapport qu'elle a à la machine, elle parle de machine, c'est à la fois quelque chose qui lui permet de s'approcher des gens parce que ça valorise les gens qu'elle veut photographier, mais en même temps, on a l'impression qu'irrémédiablement, elle est coupée de ce qu'elle veut voir. Moi, c'est chaque fois que je vois ces photos, c'est ça qui me frappe. C'est-à-dire la volonté de rencontrer l'autre, mais avec une sorte de désespoir fantastique, et en même temps, la photo est là pour dire, de toute façon, je ne pourrais pas rencontrer cette réalité. D'ailleurs, elle dit, je vais peut-être déformer, mais elle dit, je me suis rendu compte que la tragédie des autres n'était en aucun cas ma tragédie ou notre tragédie. Et je ne savais pas qu'elle s'était suicidée, mais je veux dire que quand on regarde ces photos et la succession de ces photos, on comprend d'une part son engagement, mais on comprend qu'à terme, c'était quelqu'un qui était complètement désespéré. Et par le fait même de sa photo et de son approche. Alors c'est drôle parce que j'ai lu il n'y a pas très longtemps Lévinas sur les visages, hein, et je travaille beaucoup sur les visages en ce moment. Et c'est vrai que l'idée de Lévinas, je la retrouve complètement dans ce que fait Dunarbus. C'est-à-dire que l'autre m'est de façon irréductible complètement étranger, et il ne m'est rien même. C'est-à-dire que vraiment, l'autre en tant que personne, c'est une réalité qui ne me concerne pas. Et en même temps, dit-il, ce qui fait le mystère de la présence, c'est que cet autre qui ne m'est rien et qui m'est complètement étranger, j'éprouve de la compassion pour lui. Et ça, je trouve que ça définit parfaitement la démarche de Dunarbus, c'est que ces photos montrent bien ça. Photographie numéro 1, une femme soldat de l'armée du salut à la sortie d'une boîte de nuit. C'est formidable de voir toute cette ligne dans l'Ancien Testament qui nous conduit à Jésus-Christ. Eh bien, Dieu nous a aidés. Et il nous a montré la force de son amour en nous envoyant son Fils, Jésus-Christ. Et à ce moment-là, pourquoi il y a toutes ces souffrances dans le monde, les souffrances, tout ce qui existe, du mal? Pourquoi ça? C'est vraiment, il a tous les pouvoirs. On ne peut pas expliquer cela. On ne peut pas l'expliquer. Jésus a souffert pour nous. Vraiment, c'est ça que je dis. Comme vous dites, Dieu il a tout le pouvoir dans le monde. Pourquoi il y a tant de souffrances? Mais oui, je comprends. Ça a toujours été le grand critère, ça. Ça a toujours été le grand problème. Pourquoi? Mais ce qui m'aide dans le combat quotidien, c'est de savoir que Jésus lui-même, le Fils de Dieu, sur la croix, a posé un pourquoi à son Père. Parce que lui, en tant que Fils de Dieu, lorsqu'il est mort, juste avant de mourir, il a dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il a cru à l'abandon de Dieu, tellement il souffrait. C'était normal. Donc, il a épousé parfaitement notre humanité. Et le fait qu'il ait posé ce pourquoi m'aide à vivre mon combat quotidien. Moi, je vous dis franchement, je suis athée. J'étais né au Portugal, à Fatima. Je veux plein de trucs là-bas, de la religion catholique, je suis athée. Je ne peux pas croire, je suis athée. Bien, monsieur, c'est vraiment. J'espère pour vous et je prierai pour vous. Dieu vous bénisse. Je pense qu'il y a une double conjugaison. Il y a l'accomplissement d'un itinéraire personnel et d'un créateur, d'une œuvre artistique qui va jusqu'au bout d'elle-même, et que d'ailleurs dans mon livre j'ai placé sous l'égide de Kafka, en commençant d'ailleurs par cette citation « J'ai passé ma vie à me retenir de la démolir ». C'est, je pense profondément, le sens qu'il faut donner à l'œuvre de Diane Arbus. L'œuvre de Diane Arbus, bien sûr, est une fenêtre ouverte sur le monde, mais elle est aussi le miroir d'elle-même. C'est une œuvre incompréhensible et inséparable de sa personne, de sa personnalité et de son itinéraire. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, je pense que c'est, bien sûr, une sorte de vision critique de l'Amérique, qui passe par un engagement lyrique, subjectif, sentimental, affectif, qui trouve son appui, plutôt que dans l'exaltation du courage, au contraire, trouve son appui dans la déchéance et le rejet. Quand on voit les gens qu'elle a photographiés, qui sont presque tous des parias, enfin, ce sont tous des gens travestis. Et quand je dis travesti, ça peut être travesti par la débilité, travesti par la folie, travesti par la misère, travesti au sens sexuel du terme, travesti aussi plus profondément et plus généralement par la bêtise, hein, parce qu'elle a pris plein de visages bêtes, les nationalistes américains. Je pense là au jeune type avec un canotier et avec ses badges qui dit « bombe Hanoï » et « Dieu bénisse nos garçons au Vietnam ». Bon. Tous ces travestissements de l'homme par un certain nombre de choses que je viens de citer, mais aussi, plus généralement, de l'homme travesti par l'image qu'il veut donner de lui aux autres et qu'il n'arrive pas à donner. C'est pour toutes ces choses-là qu'elle voit avec énormément de violence, qu'elle éprouve de la compassion. Et c'est très bizarre chez Diane Arbus de voir que le visage de l'homme est à la fois, et c'est de la fascination, hein, est à la fois objet de répulsion, c'est le mauvais objet, et à la fois objet que je voudrais approcher au maximum et que même auquel je voudrais m'identifier. Et puis chaque fois, il y a une sorte de plaque de verre. Hein, c'est, la photo étant comme, à la fois en même temps, une plaque de verre entre celui qui prend la photo, enfin un écran, hein, quelque chose qui n'est pas franchissable, entre celui qui prend la photo, celle qui prend la photo, et puis le sujet représenté. Photographie numéro 2. Une femme au chômage, son domicile, boulevard Pasteur à Paris. Moi, c'est un témoignage d'une mère qui a perdu une fille de 18 ans qui s'est défenestrée, qui s'est suicidée il n'y a pas longtemps. Enfin, ça fera un an le 15 mars. Qui a des enfants placés. Qui voudrait se remonter. Et après mon divorce, eh bien, j'avais un mari qui me bousculait. Oh, ça c'est vraiment un détail. Hein. mais c'est que la police ne s'occupait plus de ça. Et je travaillais énormément. Je suis prête à recommencer de bosser. Comment je vis ? En cherchant dans les poubelles. Alors on dort à peine. Moi, c'est ma soupe. Je vole pas, hein. Je vis dans les poubelles. Le matin, à 3h du matin, 4h du matin, je cherche partout. Je chine une cigarette, c'est tout. Et je vole pas. Du travail, je pourrais en avoir du travail. Je suis courageuse. À 45 ans, on est trop vieux. Et il faut avoir quelque chose pour vous coucher, pour commencer à travailler. Alors ils nous promettent un foyer, mais c'est des foyers. C'est comme la SPA, malheureusement. Je travaillais énormément avec ma mobylette. Je partais le matin, très de bonne heure, je faisais les ménages et tout. Je faisais 10 heures de ménage par jour. J'avais pas peur. Et ça arrivait qu'ils ont tous été placés, mes enfants. Ma fille elle-même s'est suicidée, qui s'est jetée par une fenêtre. Entendez-moi bien tous. C'est une mère, c'est une femme. Mais je vous assure. Et pourquoi il y a beaucoup d'argent d'un côté, il n'y en a pas de l'autre? Beaucoup, ils meurent dans le caniveau. Comme moi, je mourrai comme une chienne un jour. Mourir comme ça. Ah, il faut changer le monde, hein. Absolument. Je vois Diane Arbus comme quelqu'un de très timide, ayant des relations très difficiles avec autrui, et donc devant compenser sa timidité par une sorte d'approche violente. Elle dit des choses aussi, par exemple, quand elle parle de son travail, elle a photographié beaucoup de marginaux à Washington Square en 65 ou en 66. Et elle dit que il lui est arrivé quelquefois de rester en silence devant un visage sans le photographier, mais de l'observer comme un photographe peut observer un visage et sans rien dire, qui est d'une violence incroyable. Son appareil à la main. Donc s'approcher de quelqu'un qu'on ne connaît pas, le regarder, le détailler, regarder la lumière qui joue là-dessus, ne pas dire un mot, c'est à la fois une très grande timidité, mais c'est à la fois une violence extraordinaire. Je crois aussi que c'est très lié à la violence de la ville, des États-Unis, enfin de tout ce qu'elle a pu voir. Et dans cet album-là, notamment, qui est tout à fait étonnant, toute la fin, ce sont des Mongoliens. Et c'est d'une violence extraordinaire. Enfin, cette mise en page, cette composition dans le carré. Il y a peu de photographes qui pratiquent ça. Jean-Claude Arrier, cinéaste. Cette volonté de se donner un carcan, et on parle à une technique, puisque c'était une chambre 6-6, c'est pas le réflexe, c'est pas... C'est l'accumulation de ces photos, toujours du même format, qui en font en même temps une unité. C'est-à-dire que il n'y a pas de recadrage, il n'y a pas de tricotage. On voit souvent les photos sur les côtés, des fois on voit des bavures, des choses comme ça, mais peu importe, c'est vraiment ce périmètre une fois pour toutes. Et je trouve que c'est une ligne de conduite, je ne sais pas, c'est une façon d'utiliser tout le cadre, quoi, toute la surface, mais que cette surface-là. Elle a utilisé plusieurs techniques, mais toujours avec ce format carré. Bon, je crois que c'est quelque chose d'absolu. Enfin, ça montre une volonté sans faille de toujours inscrire ce qu'elle veut révéler dans ce carré, quoi. Photographie numéro 3, Zoubir B, frère d'un jeune homme tué accidentellement par la police. Je vais essayer de vous raconter comment qu'on l'a appris. Dans la nuit de l'assassinat de Zoé, la police a su prendre très rapidement l'initiative de prévenir l'agence France Presse pour y donner un communiqué et en essayant de prouver sa légitime défense. Mais pour nous, par contre, la famille, personne n'est venu nous dire ce qui s'était passé. On n'a eu droit à aucune visite de la part de la police, Donc aucune explication. Et c'est seulement par les amis de Zouaoui, qui se trouvaient avec lui dans la voiture, que nous avons su l'affaire. Nous avons appris qu'il était mort. Après cela, donc sans information, il a fallu retrouver le corps, l'hôpital, le commissariat, enfin tout. Je trouve pas ça quand même très humain d'agir de cette façon. Donc, après toutes ces démarches, on a laissé nos numéros de téléphone partout, on a couru, on était comme des fous dans la rue. Toute la famille courait, les amis, tous les proches, pour savoir où se trouvait le corps de Zouaoui. Et seulement 2 jours après, on a eu un coup de téléphone de la part de l'inspection générale des services, qui est la police des polices, pour nous envoyer une convocation. Et de là, on a été convoqué à 9h30. On a été reçus comme des moins que rien. Alors qu'on avait tous plein de questions dans la tête, parce qu'on voulait vraiment savoir s'il y avait eu une faute de la part de quelqu'un. On voulait savoir notamment pourquoi la police avait agi comme s'ils avaient affaire à de dangereux criminels. On voulait savoir pourquoi ils n'avaient pas tiré dans les pneus. Enfin, on voulait savoir plein de choses comme ça. Et donc un agent de l'inspection générale des services est sorti au bout d'une demi-heure. Il nous a dit textuellement: je ne peux pas recevoir tout le monde. Je précise qu'on était 4. Donc il y avait mon père, mon autre frère, sa femme et moi. On pourrait imaginer un regard cruel, mais en fait, et elle le dit aussi, ce regard cruel ne l'intéresse pas. Elle parle de la dignité des sujets qu'elle photographie. Oui, je crois qu'elle aime, en effet, moi, ce mystère, c'est le mystère de la compassion, c'est-à-dire qu'elle aime les gens qu'elle photographie. Tous ces gens qui sont effectivement des gens qu'on ne voit pas, on a le sentiment qu'elle veut les rencontrer. Alors quelquefois, elle les rencontre uniquement en leur donnant une importance qu'ils vont prendre par sa photo. D'autres fois, elle les rencontre parce que elle raconte elle-même qu'elle s'est prise d'amitié pour 2 hommes travestis qui étaient obèses, qu'elle les a rencontrés, qu'elle a été chez eux dans leur chambre, etc. Et donc, elle raconte qu'elle aime cette humanité. En même temps que, c'est ça, cette ambiguïté de Diane Arbus qui est très troublante, en même temps que, quand par exemple elle va dans les camps de nudistes, elle veut montrer la bêtise qu'il y a derrière ce conglomérat, cette assemblée de gens qui se foutent à poil tout en restant habillés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus habillé qu'un nudiste. Quelqu'un de nu, non. Quelqu'un peut être terriblement nu, mais les nudistes sont très habillés. Et ça aussi, c'est très. Elle l'a bien montré, soit avec un accessoire, une paire de lunettes, soit avec un sparadrap. C'est-à-dire on peut être habillé avec un sparadrap. Et alors elle montre cette bêtise en même temps qu'elle l'accepte complètement. Et je crois qu'elle accepte toutes les formes d'humanité possibles. Elle les accepte. Moi, ça me plaît bien. Pour moi, c'est une forme de sainteté, l'acceptation de toutes les transformations possibles des hommes et des femmes. Il faut dire qu'elle connaissait intimement tous les sujets qu'elle photographiait. Ça n'était jamais des images volées, c'était toujours des images posées, des images concertées, et même parfois des images qui prenaient énormément de temps à être prises. Lorsqu'elle a fait le portrait d'Eddie Carmel, le géant juif new-yorkais chez ses parents, elle a mis 9 ans avant d'oser faire la photographie, car ça n'était pas facile de pénétrer dans l'intimité d'un être qui ne sort jamais que la nuit. Je veux dire qu'elle aurait été, Diane Arbus aurait été l'amie intime de Elephant Man. Et il est évident que, à travers par exemple l'image des enfants, enfant perdant un concours de beauté, enfant en pleurs, enfant grimaçant, enfant anormal, c'est-à-dire déjà incarnant dans sa chair la symbolique d'une société détruite dans l'œuf, je dirais, puisqu'elle a même photographié des siamois dans le formol exposé dans une baraque de foire, elle casse absolument tout l'archétype conforme et rassurant d'une société à travers une pratique, à savoir photographique, que tout un chacun peut exercer. Lorsque, par exemple, il y a eu les rétrospectives au musée d'art moderne, les gens n'ont pas voulu voir ces images, car ce sont des images que nous rejetons tous et que la société bien organisée nous empêche de voir. Yann Arbus, qui voulait vivre de son travail, qui voulait vivre de son œuvre, avait beaucoup de difficultés à placer ses images dans les magazines. Ça n'est pas un hasard, parce que jamais l'image qu'elle ne donnait même des gens célèbres, elle les a jamais photographiés de manière magnifiante, de manière idéalisée, telle que eux auraient voulu se voir, ou telle que toute une société souhaite voir incarner, représenter ses héros ou ses écrivains préférés. Au contraire, elle a toujours montré la fissure, la fêlure, la déchéance latente, y compris chez les gens qui avaient la plus grande réussite. Car évidemment, lorsqu'elle photographiait, par exemple, certains êtres de prédilection pour elle, qui étaient les femmes vieilles ou les riches veuves, donc des femmes délaissées, sans plus d'amour, sans plus de sexe, peut-être sans enfants, mais absolument farcies, remplies, auréolées de babioles, de trésors anciens qui leur rappellent une mémoire effritée. Ce qu'elle photographiait, c'était en même temps le Kleenex qui traînait sous la chaise, le sac renversé, la tasse de camomille avec peut-être un narcotique quelconque qui traînait encore dedans. Je veux dire, tout le temps, à travers les signes de la dérision et de l'abandon, un détail qui trahit la prétendue assurance que chacun peut avoir dans une société. Les poses que Diane Arbus faisait tenir à ses sujets avaient plus pour raison d'être de déstabiliser la présence de l'être et de le trahir à son insu plutôt que de le conforter, ce que toujours nous voulons faire lorsque nous paraissons en image. Je pense que c'est ça qui est profondément juste et profondément beau. Je pense que la générosité de l'œuvre, la générosité extrême de l'œuvre de Diane Arbus vient d'avoir eu cette sorte d'extraordinaire lucidité et d'où la fascination de son œuvre, car je pense qu'on peut dire, tiens, mais j'ai vu cette photographie de Diane Arbus alors qu'on ne l'a pas vue. C'est-à-dire que ce sont des images qui sont en nous. Ce sont des images mentales pour nous comme elles l'étaient pour elle. Donc je disais, l'extraordinaire générosité de son œuvre, c'est d'avoir été chercher au plus intime, dans l'intérieur même des gens, les lieux de prédilection pour elle étant d'ailleurs les chambres à coucher, lieu à la fois où se trouve l'amant, lieu du crime, lieu de l'amour, lieu où l'enfant est enfanté, enfin bref, des lieux du secret. Elle les pénétrait et elle disait même, rien qu'à voir l'odeur des draps, je peux savoir toute la vie de quelqu'un. Et je crois que c'est quand même extraordinaire, en une seule image, d'arriver à dégager un potentiel d'imaginaire aussi fabuleux, car c'est de la fable, à travers simplement des images du constat social. Diane Arbus photographie Dame dans un salon, Albion, New York, 1963. Cette photo, c'est bon, une dame dans un intérieur, dans son intérieur, près d'une fenêtre. Elle est assise dans un fauteuil, elle lit une gazette et elle est séparée d'un fauteuil vide par cette grande fenêtre très blanche. Et là, ce qui me marque, c'est la lumière, cette utilisation du noir et blanc, ce trou béant là, au centre de la photo. Et puis, après ça, on reconnaît les étoffes un peu en bas, en haut. Et que cela s'inscrive de part et d'autre, le fauteuil vide d'un côté, elle lisant de l'autre. Elle lit avec la lumière du jour et non la lumière électrique de la lampe qui éclaire un fauteuil vide. Et on peut se raconter toute une histoire. Avec ça, par exemple, je sais pas, il y a beaucoup de gens qui vivent et lorsque leur conjoint meurt, ils n'entrent plus dans une certaine pièce qui était la pièce de leur conjoint. Là, on a l'impression que c'était bon, c'est vraiment le fauteuil d'un mari qui a peut-être disparu et qui lisait à ses côtés aussi, ils avaient chacun leur fauteuil. Et elle continue de faire comme s'il était là. On a l'impression que le fauteuil est vide, mais que on pourrait y inscrire très bien une autre présence. Et en même temps, il y a une espèce de plénitude, d'une acceptation tranquille, d'une solitude. Elle est beaucoup plus apaisée que bien des photos d'un Arbus. Avec le mystère du trou blanc, du centre de la photo. Et tout. pour moi, c'est le mystère de la réalité humaine, c'est-à-dire que l'homme est capable de tout. Le mystère, ça serait dans l'ambiguïté, c'est-à-dire des gens qu'on n'arrive pas à situer. Ça peut être ce couple, je crois, de Brooklyn, un très jeune couple, où on voit une femme qui est complètement maquillée, qui est tellement maquillée qu'elle apparaît comme une sorte de mannequin de vitrine de magasin, avec des cheveux de jais, c'est peut-être une perruque, des sourcils incroyablement noirs. Et puis à côté d'elle, donc, elle a une sorte de présence de Madone italienne, mais dans le plus mauvais goût qui soit. Et légèrement derrière, beaucoup plus dans l'ombre, il y a son mari, qui est un jeune type, mais qui lui, au contraire, est habillé avec des vêtements complètement prolo, sans aucune recherche, qui a un air complète. Elle, la femme, a un air d'autorité extraordinaire. Lui, on a l'impression qu'il s'évanouit dans tout ce qui se passe derrière. Hein, il n'existe pas. Et surtout, il y a deux enfants. Et il y a ces deux enfants, la mère qui tient un enfant qui est plus petit, qui a l'air complètement ahuri, et le mec qui tient, mais avec une sorte de tendresse extraordinaire, un enfant qui est un débile, enfin qui est un débile, ou en tout cas qui a l'air complètement débile, il louche, il tire la langue. Et ils sont, alors, les deux parents sont bruns, et les deux enfants sont d'une blondeur extraordinaire. Alors, on cherche des parentés là-dedans, on se dit, mais qui est à qui? Puis on se dit, on voit là quatre êtres humains qui sont regroupés ensemble, qui ont des rapports certainement mère-fils, père-fils et mari et femme. Et puis d'un seul coup, le mystère, c'est que tout ça est une sorte de bric-à-brac absurde. Et on se dit, mais bon sang, en face de quelle réalité je suis? Photographie numéro 4. Un jeune homme ayant pris son 6e demi-gramme d'héroïne de la journée s'endort dans un cinéma. Ça a commencé comment? Ça, c'est un ami que je connais bien. Un jour, il m'a dit, moi, je fume toujours, je shit. Il m'a dit, la première fois, il m'a dit, Achour, tiens, il est fait, tu prends un slip mieux que tu fumes 10 joints. Moi, j'ai pensé, lui, c'est un dealer. Tu sais. J'ai pensé, il m'a donné la première fois. Ça signifie. Avant, demain, oui, demain. Après, j'ai oublié tout ça. J'ai oublié que je sniffe. Ça, 6 mois, 7 mois. Comment je sniffe? Après, j'ai rêvé. Je prends la dope. Il y a des mecs qui me disent, faut pas faire ça, faut pas ça. Mais moi, plus fort, j'ai oublié. Après, je suis accro. Moi, j'ai fréquenté ce quartier parce que c'est pour ça que j'ai accroché à la poutre. Parce que c'est un quartier de la poutre. J'ai tout. J'aime voir un peu la guerre mondiale comme ça. Je meurs. Pas de problème. Tu sais. J'ai vu tout. Malgré que je suis petit, j'ai passé la misère, j'ai passé la prison, j'ai passé tout. J'ai dormi dans les rues, j'ai dormi plein de froid dans les rues. Moi, je dormais tout, j'ai passé toute la misère. J'aime voir la guerre mondiale ou bien la guerre mondiale, c'est tout. Comme ça, on va terminer le monde. C'est fini, on oublie tout, la poudre et tout. Et elle a voulu chercher, je crois, vraiment chez le particulier, une sorte d'amour singulier. Pas l'amour maquillé en haine, comme elle l'a tellement montré à travers les masques, les travestis, les personnes lors des soirées mondaines se maquillant, se travestissant derrière des masques à la Archimboldo, dont on pouvait voir à ce moment-là que les hauts personnages en smoking devenaient des sortes de charlatans, ou même peut-être de truands, ou même peut-être de tueurs. Elle a au contraire voulu rendre une dignité à ceux qui n'en avaient pas, et en portant témoignage de leurs conditions de vie, et pas seulement de leurs traces physiques. Diane Arbus photographie, deux images face à face. Image numéro 1, quatre personnes à l'ouverture d'une galerie, New York, 1968. Image numéro 2, trois amis lilliputiens russes, chez eux, 100e rue, New York, 1963. Nous avons une image étonnante aussi des gens. Terrible. Un vernissage. Alors bon, rapidement dit, ce sont trois hommes en smoking. D'ailleurs, tout à fait interchangeables. On dirait des triplés. Hein. Ce sont des triplés parce qu'évidemment, leur comportement social les condamne à ce point à adopter une attitude similaire qu'ils ne se distinguent plus. Surtout pas lorsqu'on a un smoking qui est le même pour tout le monde et où on devient un pingouin et où il n'y a plus d'objet de différenciation. Et évidemment, au milieu de ça, il y a une femme. C'est une poupée. Un mannequin de vitrine qui est coincé totalement dans sa robe et aussi dans l'espace qui lui est attribué. Il y a presque deux prises électriques qui permettent ces trois personnages branchés de se mettre en branle, si l'on peut dire. Et la femme a les yeux, une sorte de regard extatique. Elle est réellement habillée comme un mannequin de vitrine. Et alors vraiment, sur l'image de la société en représentation, c'est un constat terrifiant que ces quatre personnages isolés lors d'une soirée mondaine. Si on compare alors avec cette photo-ci, qui ne sont pas des nains, mais des lilliputiens russes, qui sont en fait des lilliputiens du cirque de Moscou, qui ont fait pendant 25 ans le métier, c'est un homme et ses deux sœurs, voilà des gens qui ont réellement un masque, puisqu'on sait bien que, face aux poupées dont on a parlé là, les lilliputiens sont parfaitement normaux de taille, à part qu'elle est complètement réduite, ils n'ont pas de malformation génétique comme les nains et sont donc des poupées miniatures, même des vieux enfants ridés. Ce sont des gens qui ont 65 ans, qui sont à la retraite et qui sont comme des enfants. Or voilà, trois poupées flétries, ridées, mais que Diane Arbus parvient à rendre d'abord complètement touchantes. On peut constater que par rapport aux quatre personnes qui sont complètement guindées, eux trois se touchent. Toutes les mains sont en contact, les épaules, les corps sont en une promiscuité totale. Ils sont complètement à l'aise, ils sont en pantoufles, en chaussettes, en tablier, en lunettes, avouant tout le temps leurs petites déficiences, regardent l'objectif et participent. Et en plus de cela, on voit dans leur cadre de vie non seulement un effet miroir, mais toutes les photos qui signalent leur parcours, qui balisent leur vie, qui ramènent leurs souvenirs et qui montrent leur cadre de vie. En fait, de gens que l'on pourrait croire étranges, différents et peut-être un petit peu monstrueux, elle tire une image absolument attendrissante, familière et familiale, exactement l'antipode des quatre personnages en représentation. Il est évident que s'il y a des monstres dans une des deux photos, c'est pas dans celle-ci. Ça me fait penser à une chose, elle a parlé elle-même des monstres. Elle a dit « les monstres sont des aristocrates ». Et pourquoi sont-ils des aristocrates ? Parce qu'ils sont arrivés dans la vie avec un traumatisme initial et une épreuve énorme qui est l'épreuve de leur douleur. Et elle dit c'est ce qui fait qu'ils sont aristocrates. Alors que tous les autres personnes, les gens dits normaux, sont des gens qui attendent le traumatisme et qui ont peur du traumatisme à venir. Et eux, ils l'ont, c'est constitutif à leur être, ils l'ont dès le départ. Et c'est ce qui fait qu'ils vont avoir une sorte de liberté ou d'innocence ou de façon de se comporter dans le monde qui sera tout à fait extraordinaire. Ce qui l'attire chez les monstres, c'est le fait qu'ils n'ont plus... Ils n'éprouvent plus le besoin de donner d'eux une image, c'est l'image dont je parlais tout à l'heure. Ils sont qui ils sont. Vous avez évoqué à plusieurs reprises les enfants et on peut penser aux nouveau-nés qui sont terribles dans les photos d'Yann Arbus. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme l'horrible est arrivé avec la naissance dans les photos d'Yann Arbus ? Pas avec la naissance, mais je crois que tout être est menacé. C'est ça qu'elle veut montrer, que tout être en vie est menacée de quelque chose d'irrémédiable. Et elle aussi, sans doute, elle doit vivre ça. Et en effet, tous les enfants qu'elle a photographiés, les tout petits enfants, c'est souvent des enfants en pleurs ou c'est des enfants avec des expressions d'angoisse extraordinaires. Mais c'est pas le fait de naître, c'est toute forme de vie. Alors peut-être que c'est encore plus sensible chez un enfant parce que on aurait tendance à penser qu'il a une sorte de pureté ou d'innocence, mais c'est qu'il y aurait une sorte de contamination du mal, sans doute, hein, dès qu'un être humain est en vie. Moi, c'est comme ça que je sens les choses en voyant ce qu'elle montre. C'est un profond désespoir, mais c'est pas mortifère. Je trouverais que c'est plutôt tonique et décapant dans la façon de regarder le monde. Regarder le monde, de regarder les gens. Hein. Les gens qui vivent, pas le monde. Le monde, c'est trop abstrait comme terme. C'était évidemment pas facile de faire vivre cet univers personnel-là dans les magazines. Alors bon, je pense qu'il y a là aussi donc cette longue filiation culturelle américaine dans son travail qui commence par les photographies de foire, les photographies populaires de foire qui sont la base même de la photographie américaine et dans laquelle elle s'inscrit. Simplement, c'est sûr qu'on préférait les grands sujets glamour des grands photographes de mode de l'époque plutôt que des images aussi dérangeantes que les siennes. Et je crois que le processus de résistance, tant aux États-Unis qu'en Europe, n'a pas encore cessé. La meilleure preuve, et je trouve ça vraiment triste et scandaleux, lorsque les éditions Herscher ont publié Magazine Work, son livre donc où sont réunis l'ensemble de ses photos publiées dans les magazines, alors qu'il en a tiré, je crois, 3000 exemplaires, et bien un an après, le livre est soldé. Donc ça veut dire que le public ne reconnaît toujours pas la dimension de cette œuvre et que ça veut peut-être dire aussi que la photographie, à travers ses héros les plus forts, comme Diane Arbus, a encore bien du mal à se reconnaître auprès du public. Malgré tout, je pense que tout doucement, c'est une œuvre qui commence à gagner du terrain, mais qui reste toujours un petit peu dans les franges, mais parce que c'est une œuvre qui traite encore pour l'instant, je dirais en apparence, de la marginalité. Photographie numéro 5, un voyeur dans la rue des Saints-Pères à Paris. Tu vois ce magasin, par exemple, il y a souvent des mecs donc, qui sont là sur le trottoir, planqués donc, contre la porte, et moi je m'installe en face, et finalement je les regarde, eux, en train de regarder, et c'est assez drôle parce qu'ils s'enfuient au moment où il se passe, où la vendeuse sort, Alors tu vois, là c'est assez. Tu vois, le salon d'essayage est tout à fait au fond, là, comme ça. Et bon, alors souvent, les dames qui sortent du salon d'essayage en ayant essayé avec les vêtements tout neufs qu'elles portent. Là-bas, alors, il y a tout un jeu de glace qui fait que même quand les rideaux sont à moitié fermés, on peut toujours surprendre quelque chose. Enfin bon, tu la vois en train d'essayer. Avance un tout petit peu encore. Regarde même par les glaces, attends, recule un peu. Si tu recules un peu, on regarde dans la glace. Effectivement. Elle nous regarde, elle va fermer et on se demande à quel jeu elle se livre. Tu vois, regarde. Elle ferme le truc comme ça, pudiquement, et nous regarde avec mépris. Elle l'a pas non plus fermé complètement. Alors on peut se demander à quoi elle se livre. Tu vois, bon, voilà. C'est un flash, c'est vraiment. Parce que ça dure vraiment l'espace de. Bon, je sais pas, c'est très très bref, tu vois. Il y a des photos d'elle où on a envie d'éclater de rire, bien sûr, même quand elles sont complètement tragiques. Je pense par exemple à la facilité avec laquelle certains travestis posent devant elle. Enfin, je pense à une photo d'un homme qui joue au travesti alors qu'il y a, Si mes souvenirs sont exacts, il est maquillé avec un visage très blanc et des lèvres très rouges. Il a rentré son sexe entre ses cuisses et il prend une sorte de pose à l'antique au milieu de deux pans de rideaux crasseux avec, des Kleenex ou des chiffons par terre, un lit d'effet derrière. Enfin, on sent un intérieur misérable et en même temps ce type qui cherche à donner de lui une image de statue grecque, enfin bon, tout ce mélange là, on retrouve l'ambiguïté, fait qu'on est pris entre, dans la photo, entre les éléments complètement tragiques du fait même qu'il pose, et qu'il pose comme ça en voulant donner de lui cette image, et en même temps la cocasserie, c'est-à-dire la cocasserie de la situation. Et puis tous les détails qui sont à la fois des détails de dérisoire, et le dérisoire veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il y a un mélange de misère, de pauvreté, de grandiloquence, de cocasserie. C'est ça qui fait naître le, pas le comique, mais le grotesque, oui. Le plus souvent, chez Diane Arbus, le dramatique ne conduit pas à la mort, mais au burlesque, au grotesque, à une sorte d'innocence énergumène, sensuelle, qui ressemble à la vie. Les seules images absolument désespérées sont celles où les individus apparaissent masqués, dissimulés. L'homme est alors affreusement dangereux, créature de tromperie et de maléfice. La mort règne sans partage. Le masque et la tragédie, le mal. La fonction du masque, hein, je crois que très souvent, hein, c'est d'être à la fois une forme figée de la vie, hein, donc une sorte de rigidité cadavérique, qui cache les traits qui sont derrière et qui les rendent encore plus forts, mais qui apparaît quand même comme quelque chose de rigide, hein, comme le cadavre peut être rigide. Et c'est vrai que ça, c'est mortifère. Mais Je repense par exemple à cette photo où elle montre, et il y a aussi des détails cocasses, hein, elle montre cette femme avec une sorte de, qui est une soirée de bal, avec un masque très compliqué, un loup, hein, très compliqué, et puis pof, deux énormes roses noires, hein, qui est sur ses seins comme ça, qui apparaît comme une sorte de d'être bricolé pour la mort, hein, une sorte de bricolage comme ça. On peut être ça d'ailleurs à certains moments. Et puis je pense aussi, alors beaucoup plus fortement, à des danses macabres quand elle a photo. Je pense que c'est dans la série des Mongoliens où il doit y avoir une fête pour les Mongoliens et on voit comme ça 4 ou 5, je sais plus, Mongoliens qui sont masqués. Et là, d'un seul coup, ça apparaît comme la danse macabre, dans une lumière extraordinaire, d'ailleurs. Et là, c'est vraiment l'image de la mort. Mais en même temps que c'est l'image de la mort, en même temps, on ne peut pas penser, surtout quand on voit ces photos les unes à la suite des autres, au visage qui se cache derrière. Et c'est comme un redoublement du travestissement, le masque chez elle. C'est-à-dire que l'homme, pour elle, nous sommes tous des travestis, pas en puissance, réellement des travestis. Alors elle a pris les calimites et puis elle ajoute comme ça, comme une sorte de redoublement encore de ce travestissement, le masque, et qui est le dernier masque, hein, qui est le masque de la dernière image de l'homme, qui est l'image de la mort. Je pense à une image que j'ai revue il n'y a pas longtemps, où on voit une troupe de gens qui sont tous des contrefaits, des handicapés, mais ils sont plusieurs, ils partent comme ça vers la droite quand on regarde, hein, avec des on pense à Jérôme Bosch aussi, enfin à plein de choses fantastiques, et là c'est d'un seul coup toute cette espèce d'inconscient qui ressort d'une difformité de l'humanité, et dans une lumière où les vêtements, les plis sont d'une blancheur extraordinaire, c'est très contrasté de lumière. Et c'est marrant parce que j'ai pensé à certaines images de certains films de Bergman où la violence de la lumière se porte comme ça sur les visages et les rend complètement hallucinés et figés. Là, on est complètement dans le registre de la mort. Elle photographie sans doute avec son inconscient, quoi, complètement, et puis avec cette part de mort et de monstruosité que nous avons tous. Alors elle a eu le mérite d'y aller comme ça et de se jeter là-dedans et de l'exprimer. Vraiment, à la qualité du regard et du génie d'Arbus, c'est d'arriver à faire exister un monde qui est le sien. Ces personnages entrent tous dans la sarabande fictionnelle d'un monde allégorique et poétique qui est celui d'Arbus, exactement comme un cinéaste ou un romancier fait entrer les personnages de fiction dans sa plume et son papier. Diane Arbus écrivait avec la photographie. Diane Arbus était un photographe, mais c'était surtout un auteur. Pour moi, qui écrit du côté de les mots ne sont plus là pour dire. Et elle, elle a l'image. Hein, mais d'un seul coup, même dans l'image, il se creuse quelque chose qui fait que l'image devient insupportable et qu'à la limite, on n'a plus à regarder. D'un seul coup, ça s'ouvre. Il s'ouvre un espace sans bord et qui est mystérieux aussi, qui est cette sorte de mystère. Peut-être que là, d'ailleurs, à ce moment-là, la compassion n'existe plus. C'est même plus la compassion, c'est la terreur. Photographie numéro 6. Madame L, femme de maison, servante retraitée, persuadée d'être l'objet d'une persécution. J'utilise ma défense. Ma défense, c'est le talion. Vous voyez que je vais être une sainte là au moment de la mort. Si je vois quelqu'un qui veut me tuer, vous savez, j'ai tous mes moyens. Hein. J'essaie de dormir le jour pour être en pleine possession de mes moyens la nuit. Vous savez, hein, j'étudie tout, j'étudie la police. Je sais que quelqu'un va se présenter un jour comme des protecteurs et ça va être des tyrans. Allez, ils vont bousiller, oui. Monsieur ? Au revoir, monsieur ! Je crois que même les choses les plus difformes, dans la mesure où elles vivent, dans la mesure où elle se met en scène elle-même et où on sait saisir cette mise en scène, c'est vraiment c'est à nous laisser complètement pantelants et sans mots. Ainsi, la réalité, les naissances, les morts, les êtres, les vies, ainsi le réel au-delà des masques, de la vitre qui nous sépare de sa substance, et les mots apparemment contradictoires de Diane Arbus, mais qui disent très précisément la position du guetteur, de l'acteur en sympathie avec le monde, malgré la violence, le risque, la souffrance qu'il génère. Premièrement, tout est d'une beauté à couper le souffle. Deuxièmement, je rampe sur le ventre, comme ils le font dans les films de guerre. Troisièmement, ça peut paraître fou, mais j'ai découvert que la vie est un mélo. Quatrièmement, tout est d'une beauté à couper le souffle. Une bonne danseuse voit un bon danseur voit une bonne danseuse. Bon ben, faut bien que tout le monde apprenne, hein, de toute façon. Hein, que ce soit un bon danseur ou pas un bon danseur, faut que tout le monde... En fait, c'est bien, formidable. Bien, merci. Je voudrais vivre toujours cette vie-là. J'ai 51 ans, mais je voudrais vivre encore 50 ans cette vie-là. J'espère d'aller le plus loin possible. Si la mort ne me surprend pas, je viendrai vieille et j'irai vieille au bal. Voilà. Merci. Au revoir. Dam dam dam dam dam dam dam.